grandir trop vite, mais c'est pas sa faute. Veut soigner ses blessures à cause d'un mauvais job. Et derrière ses blessures cachées sur ses fautes, elle pense que quelques likes pourront l'abriter. Encore une soirée Netflix et story. Ses copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Encore une soirée Netflix et story. Ses copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Quelle histoire, quelle vie. Dans son cœur, le ciel est vide. Fais un choix, mais fais le vide. Confirme la parenthèse. Le Joe jouait la comédie. Trop de mémoire comme Kennedy. Trop me s'oublier. Vas-y, ferme la parenthèse. Encore une soirée Netflix et story. Ses copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Encore une soirée Netflix et story. Ses copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Trop de mauvais bails et sentiments fragiles. T'es tombé d'un étage. Wow. C'est mort tout tes dailles. T'as rasé tout le bail. J'veux plus tomber d'un étage. Wow. Trop de mauvais bails et sentiments fragiles. T'es tombé d'un étage. Wow. C'est mort tout tes dailles. T'as rasé tout le bail. J'veux plus tomber d'un étage. Wow. Là ton cœur est troué. Seul ou mal entouré. Wow. Solitude soigne la douleur. Le dernier tour est joué. Dernier essai échoué. Oh, rêve d'un avenir en couleur. Encore une soirée Netflix et story. Ses copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Encore une soirée Netflix et story. Ses copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Le temps est long comme en maison d'arrêt. Le ciel est noir, tu voudrais que ça s'arrête. Le temps est long comme en maison d'arrêt. Trop de mauvais bails et sentiments fragiles. T'es tombé d'un étage. Wow. C'est mort tout tes dailles. T'as rasé tout le bail. J'veux plus tomber d'un étage. Wow. Trop de mauvais bails et sentiments fragiles. T'es tombé d'un étage. Wow. C'est mort tout tes dailles. T'as rasé tout le bail. J'veux plus tomber d'un étage. Wow. Encore une soirée Netflix et story. Tes copines sont sorties, mais bon, c'est pas son délire. Allô? Donc maintenant c'est moi qui tombe sur ta messagerie. À quoi tu joues en fait? Écoute, là je vois que t'as changé. Tu donnes plus de news. Rappelle-moi s'il te plaît. Sérieux. Tu me manques.